La vie c'est marche ou crève, blasé je marche seul. Ton ami j'ai dans un sac poubelle. Touche à ma famille je te baise. Une seule femme que j'aime, une autre femme qui s'aime. Une qui m'a donné le sein, l'autre qui pleure pour son sac à main. Yeah, pour deux je t'ai cerné. Tu m'as trahi quand je t'ai aidé. La vie m'a épuisé, si seulement je l'avais écouté. Désolé maman, je tourne mais je fais des 100 pas. Désolé maman, je cours mais je fais du surplace. Désolé maman, j'ai pas tous ces gens, moi je les sens pas. Désolé maman, t'as raison, cette vie n'est pas faite pour moi. Tête cramée, si j'étais un enculé, ça saurait. J'ai envie de m'envoler, mais je porte le poids de mes péchés. J'ai perdu retour de flamme. Maman, je suis pas le fils dont t'as rêvé. Maman, je sais plus où aller. Maman, je suis perdu, j'ai plus à qui me confier. Maman, je parle tout seul, ils me prennent pour un taré. J'ai rêvé que le paradis était sous tes pieds. Yeah, pendant je t'ai cerné, tu m'as trahi quand je t'ai aidé. Seulement je l'avais écouté. Désolé maman, je tourne et je fais des 100 pas. Désolé maman, je cours mais je fais du surplace. Désolé maman, j'ai pas tous ces gens, moi je les sens pas. Désolé maman, t'as raison, cette vie n'est pas faite pour moi. Mama. Désolé, mama.